les gens adhèrent à la religion d'Allah par vagues successives. Les délégations. La conquête de la Mecque constitua, comme nous l'avons déjà montré, une bataille décisive qui permit d'anéantir le paganisme. Grâce à cet événement, les Arabes furent en mesure de distinguer la vérité de l'erreur et ils se hâtèrent d'entrer en islam. Les délégations. Le nombre de délégations citées par les auteurs des Marazi est supérieur à 70. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il y eut des délégations venues à Médine pour attester de leur islam avant la conquête de la Mecque, même si la plupart des tribus n'envoyèrent d'émissaires qu'après cet événement. Parmi ces délégations, la délégation de Najran. Son armée était constituée de 100 000 combattants, tous chrétiens. La délégation de Najran arriva au cours de la 9e année de l'Hégire. Elle comprenait 60 hommes, dont 24 d'ascendance noble. Parmi ces derniers, il y avait les 3 dirigeants de Najran. Lorsque ces délégués arrivèrent à Médine, ils rencontrèrent le prophète, alayhi salatu wassalam, avec qui ils eurent des discussions. Mais quand il les appela à l'islam et leur récita le Coran, ils se montrèrent réticents. Ils lui demandèrent ce qu'il pensait de Jésus, mais il différa sa réponse d'une journée jusqu'à ce que les versets suivants lui furent révélés. « Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. » Sourate 3, versets 59 à 61, selon le sens des versets. Le matin suivant, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur parla de Jésus à la lumière de ces versets. Puis il les laissa pendant toute une journée afin qu'ils se concertent et qu'ils puissent méditer sur ce qu'il leur avait été récité. Le lendemain, comme ils ne voulaient toujours pas reconnaître les paroles d'Allah à propos de Jésus ni entrer en islam, le prophète alayhi salatu wassalam suggéra de recourir à al-mubahala, c'est-à-dire que chaque partie appelle sur elle la malédiction d'Allah si ce qu'elle professait n'était pas authentique. Après avoir fait cette proposition, le prophète alayhi salatu wassalam s'avança, enveloppant de son vêtement Al-Hassan et Al-Hussein, tandis que Fatima, sa fille, marchait derrière eux. Voyant que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était sérieux et prêt à leur faire face fermement, ils se mirent à l'écart et se concertèrent. Al-Aqib et As-Sayyid échangèrent ces propos. « N'en fais rien. Par Allah, s'il est réellement un prophète et qu'il échange des appels à la malédiction avec nous, alors nous ne prospérerons jamais et il en sera de même pour nos descendants. » Nous allons tous périr, de même que nos animaux. » Ils décidèrent alors de s'en remettre au jugement du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quant à leur devenir. « Nous acceptons ce que tu as demandé, c'est-à-dire nous acceptons de payer la jizya, le tribut. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, conclut avec eux une paix contre 2000 vêtements, 1000 au mois de Rajab et les 1000 autres au mois de Safar. Avec chaque vêtement, il devait donner une once d'or. En contrepartie, il bénéficierait de la protection d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam, et de la liberté d'exercer leur culte. Il leur remit un écrit où étaient soulignées les différentes clauses du traité de paix. Avec le temps, l'islam se répandit petit à petit à Najran, et les nouveaux convertis n'eurent bien sûr pas à payer le tribut. Parmi les autres délégations, celle des Banu Hanifa. Elle arriva à Médine au cours de la 9e année de l'Hégire. Elle était composée de 17 hommes, dont le maître des menteurs, Musaylima ibn Thumama, ibn Kabir, ibn Habib, ibn al-Harith, issus des Banu Hanifa. Elle fut hébergée dans la demeure d'un Ansar. Reçue en audience par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, elle déclara son acceptation de l'islam. Quant à Musaylima l'imposteur, il existe différentes versions concernant son adhésion à l'islam. L'examen de ces versions montre clairement qu'il fit preuve de réticence et d'arrogance, révélant également ses prétentions au gouvernorat. Dans un premier temps, le prophète alayhi salatu wassalam essaya de gagner son cœur en le traitant avec douceur et prévenance. Mais voyant que cela n'apportait pas de résultat, il vit en lui des actions néfastes à l'islam. Musaylima prétendit être un prophète en l'an 10 de l'Hégire. Il fut tué lors de la bataille d'Al-Yamama sous le califat d'Abu Bakr au mois de Rabi' al-Awwal de la 12e année de l'Hégire. Les délégations, donc, se succédèrent à Médine au cours des 9e et 10e années de l'Hégire. Cette succession de députations indique le succès de la prédication islamique qui a permis la suprématie de la religion musulmane dans les régions de la péninsule arabique. Elle montre également que les Arabes considéraient Médine avec un respect et une estime telle qu'ils ne purent s'empêcher de s'y rendre pour y exprimer leur reconnaissance de l'islam. Médine était ainsi devenue la capitale de la péninsule arabique et elle était désormais incontournable. Nous ne pouvons cependant pas dire que tous les Arabes étaient enthousiasmés et profondément imprégnés par l'islam. En effet, de nombreux bédouins au cœur implacable s'étaient soumis à l'islam uniquement parce que leur chef avait agi ainsi. Les enseignements de l'islam n'avaient pas encore totalement purifié leurs âmes des vestiges de leur passé de pillards. Ceux d'entre eux qui vivaient à la Mecque, à Médine et à Taïf et dans de nombreuses régions du Yémen et de Bahreïn étaient différents, car l'islam s'était fermement implanté dans leurs âmes. Certains furent même d'illustres compagnons et des modèles pour les musulmans.